Chapitre 3. Le parterre à la française, qui s'étendait devant le château neuf et longeait à gauche le vieux château, formait terrasse à son extrémité. Entre deux balustrades de pierre verdâtre, huit marches quelque peu dégradées mais de belle allure conduisaient à un parterre inférieur au milieu duquel s'allongeait un étroit miroir d'eau entre deux bandes gazonnées et deux rangées de buis taillés en cône. À gauche se voyait une orangerie où végétaient encore quelques vieux orangers et lauriers roses. À la suite du miroir d'eau, une petite colonnade de marbre rose s'arrondissait en hémicycle autour d'une statue de l'amour armée de ses flèches. Le parterre se terminait par une balustrade d'où la vue s'étendait sur la vallée, les pâturages, les hauteurs boisées qui précédaient la haute montagne. À droite de ce parterre, que bordaient en partie des boulingrins mal taillés, des degrés coupés d'étroites terrasses menaient au parc. Celui-ci n'était en réalité qu'une partie de la grande forêt qui, autrefois, appartenait tout entière au seigneur de Montparoux. On n'y avait en rien contrarié la nature, et celle-ci, libre et sauvage, pouvait y être contemplée en sa beauté primitive. Depuis son remariage, Rodolphe de Rudaine s'était abstenu des coupes dont il avait un peu abusé auparavant pour équilibrer tant bien que mal son budget, ce qu'il n'avait fait d'ailleurs qu'avec regret, car, ainsi que tous les Rudaines, il aimait la forêt, ses arbres magnifiques, le murmure des eaux qui s'écoulaient entre les pierres couvertes de mousse, la sévère solitude où semblait toujours planer le mystère. Oui, on disait généralement la forêt en parlant de ce parc, comme si le mot faisait revivre le grand domaine d'autrefois où les Rudaines avaient mené tant de chasses renommées qui réunissaient à Montparoux les châtelains de fort loin à la ronde. La forêt, si chère à Élisabeth, qui en connaissait les coins les plus secrets. Mais, entre tous, il en était un qu'elle tenait en singulière prédilection. Dans un cadre d'arbres centenaires, toujours épargné par la cognée des bûcherons, s'étendait une pièce d'eau aux berges couvertes d'herbes. On l'appelait l'étang aux biches. Certains de ces arbres étaient si proches que leur feuillage se reflétait dans l'eau lumineuse. Une eau verte, changeante, obscure en son milieu, couleur de jade vers les bords, où se pressaient de légers roseaux murmurant sous la brise. À l'une des extrémités planaient les feuilles sombres et les blanches fleurs de nénuphar. Là, un matin d'été, avait été trouvée noyée Daphné, comtesse de Rudaine. Elle aimait aérer dans le parc au clair de lune. Elle avait un attrait particulier pour cette pièce d'eau à l'aspect romantique et sans doute voulait-elle cueillir des nénuphars dont elle parait volontiers ses cheveux blonds. Ainsi avait-elle dû choir et périr, ne sachant pas nager. Jusqu'à l'année précédente, Élisabeth avait ignoré comment était morte sa mère. Adélaïde le lui avait caché, craignant de l'impressionner. Mais elle lui recommandait sans cesse de ne pas s'approcher de l'étang, ce dont Élisabeth, un peu frondeuse, ne se privait guère cependant. Un jour, alors qu'elle revenait en tenant à la main un nénuphar détaché de la plante, qu'elle avait réussi à atteindre à l'aide d'un long bâton fourchu, elle rencontra Agathe de Combron, qui lui dit avec son sourire ingénu « Vous avez cueilli cela dans l'étang? Quelle imprudence! Avez-vous donc envie de faire comme votre mère ?» Élisabeth, obéissant aux réflexes habituels chez elle à l'égard de Judith et de sa fille, répliqua sèchement « Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, maman ?» Mais elle s'est noyée dans l'étang en voulant cueillir des nénuphars. Du moins, on le suppose. Personne ne vous l'a jamais dit ?» Sans répondre, Élisabeth s'éloigna brusquement. Elle se répétait « Noyée! Maman s'est noyée !» Cette révélation jetait en son âme une horreur tragique. Elle se précipita dans la tour, entra chez Adélaïde et lui cria « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que maman s'était noyée ?» Adélaïde eut quelque peine à la calmer, à lui faire comprendre qu'elle avait agi de la sorte pour ne pas l'impressionner par ce lugubre souvenir. Depuis lors, la pièce d'eau était devenue pour Élisabeth une sorte de lieu sacré près duquel, presque chaque jour, elle venait songer à sa mère morte, la blonde Daphné aux yeux pensifs dont le portrait ornait sa chambre. Il existait, au bord de cet étang, un vieux pavillon à demi ruiné. Il avait les lignes élégantes des constructions du XVIIIe siècle et, à l'intérieur, subsistaient quelques-unes des peintures dont on l'avait décoré autrefois. Dans le temps où la fortune n'avait pas encore abandonné les comtes de Rudaine, on donnait des fêtes sur cette pièce d'eau et, dans le pavillon, on offrait collation ou souper selon les heures. Depuis longtemps, il était abandonné. Élisabeth seule y venait lire, songer ou dessiner. Seule, non, car un jour, elle y avait trouvé un long voile de tulle blanc qui appartenait à sa tante Calixte. Mais celle-ci ne fréquentait les lieux qu'à la nuit tombante, lorsque sa silhouette déformée se confondait avec les ombres nocturnes. Deux jours après son entrevue avec la comtesse Aurore, Élisabeth, dans l'après-midi, vint s'asseoir sur une des marches qui permettait de descendre du pavillon, un peu élevé sur la berge, juste au bord de l'eau. Elle ouvrit l'album qu'elle avait apporté dans l'intention de dessiner la rive de l'étang qui lui faisait face. Une végétation touffue d'arbustes la couvrait et certains penchaient jusque dans l'eau leur feuillage échevelé. D'une main déjà sûre, Élisabeth traça une esquisse de ce lieu qu'elle aimait. Adélaïde lui avait donné quelques leçons et, d'elle-même, ensuite, elle réalisait de singuliers progrès qui faisaient dire à la vieille demoiselle « Quel dommage de ne pouvoir mieux cultiver les dons que vous avez, ma petite fille !» Sous le ciel couvert, l'étang était sombre, d'un vert presque noir. Une chaleur humide alourdissait l'atmosphère. Le désagréable cri d'une pie, quelques pépiments d'oiseaux traversaient parfois le silence jusqu'au moment où un léger rire de femme s'éleva, frappant l'oreille d'Élisabeth. Elle tressaillit et le crayon s'immobilisa entre ses doigts. Les lèvres serrées, elle se leva et gravit rapidement les trois marches qui la séparaient du pavillon. Elle entra, repoussa les battants de la porte vitrée qui ouvrait de ce côté. La pièce, dallée de marbre noir et blanc, était garnie de boiseries, autrefois grises, détériorées par l'humidité, qui encadraient des panneaux peints en forme Vézeta, comme l'était le plafond, où se discernaient encore quelques vagues formes mythologiques. Trois portes vitrées, semblables à celles que venait de franchir Élisabeth, donnaient sur les autres façades du pavillon. La fillette s'approcha de l'une d'elles, l'entrouvrit sans bruit. Un peu plus loin, sur la berge de l'étang, assez haute à cet endroit, venaient de s'arrêter deux personnes, Agathe de Combron et Willibald Rildengortz. Agathe disait « Nous irons où vous voudrez, Willibald chéri. Nous pourrons même attendre l'hiver pour ce voyage de noces, afin d'avoir plus de temps, puisqu'à ce moment, votre travail vous laissera quelques libertés. » Nous irons dans le midi, dans un joli endroit que je connais, où nous serons tranquilles pour jouir de notre bonheur. » La voix d'Agathe semblait un doux roucoulement. Sa tête blonde se penchait sur l'épaule de Willibald, tandis qu'il répliquait « Vous avez là une bonne idée, chère Agathe. J'aimerais mieux ne pas m'absenter plus de quelques jours au moment de notre mariage, car ce sera l'époque des travaux d'automne. » Un agriculteur n'a pas beaucoup de liberté. Vraiment, ne craignez-vous pas de vous ennuyer à la campagne, vous qui êtes habitué à une existence plutôt mondaine ? Oh non, chérie, avec vous, jamais ! Élisabeth s'écarta brusquement de la fenêtre. Son visage tendu, ses sourcils rapprochés dénotaient une sourde colère. Avec un sourire méprisant, elle murmura : C'est imbécile qui la croit ! La voix d'Agathe, un peu plus haute, lui parvint de nouveau. « Je n'aime pas cette pièce d'eau. Elle a toujours quelque chose de lugubre. Je me demande pourquoi la mère d'Élisabeth en faisait un de ses buts de promenade favoris. Elle avait une nature romantique, paraît-il. Une très jolie femme, mais un peu froide. Elle se montrait cependant aimable pour le garçonnet que j'étais alors, et parfois son regard prenait une douceur vraiment séduisante. » Oui, elle était très jolie, mais il y avait en elle quelque chose qui éloignait. J'étais bien enfant alors, mais je n'ai jamais eu de sympathie pour elle. Je ne crois pas qu'elle eût rendu son mari bien heureux si elle avait vécu. J'étais trop jeune, je ne l'ai pas assez connue pour avoir une idée à ce sujet. Les voix s'éloignèrent. Élisabeth, immobile, les écouta décroître. Ses yeux assombris décelaient l'orange qui se formait en son âme. Puis elle eut une sorte de rire sourd qui secoua ses épaules. Agathe, l'angélique Agathe, comme l'appelait sa cousine Madame Pienne. Quelle sottise existait donc chez les hommes, même intelligents comme l'était Willibald, pour se laisser prendre à ses ruses, à ses mensonges? Eh bien, tant pis pour lui. Puis, après tout, il aurait l'argent d'Agathe pour se consoler. Des larmes montaient aux yeux d'Élisabeth. Elle les essuya avec colère en serrant les dents. Par le fait, elle détestait Willibald depuis qu'il était fiancé à la fille de Judith. Autrefois, quand elle était tout enfant, il se montrait assez gentil à son égard. Il avait même dit un jour, devant elle, à son père « Elle est intéressante, cette petite, pas ordinaire du tout. » Et puis, plus tard, il avait commencé de la traiter avec froideur, sous l'influence évidente de Judith et d'Agathe. Il la critiquait, rééditait les reproches de Madame de Ruden, ses griefs contre sa belle-fille, hostile et intraitable. Ainsi était-il devenu à son égard, sinon un ennemi, du moins un adversaire. À sa guise, elle se passerait de sa sympathie. Elle sortit du pavillon, demeura un moment immobile, les yeux attachés sur l'eau sombre. Ses doigts serraient nerveusement l'album. Puis, se détournant, elle s'en alla dans la direction du château par l'un des petits sentiers embroussaillés où elle était sûre de ne pas rencontrer l'élégante Agathe et son fiancé. Quand elle fut en vue du parterre inférieur, elle jeta vers les alentours un coup d'œil méfiant. Non, il n'était pas là. Et l'autre parterre aussi apparaissait désert. Seul un vieux chien de chasse presque aveugle rôdait entre les plates-bandes. Il vint à Élisabeth, qui lui donna une caresse distraite avant de se diriger vers la tour. La porte était ouverte, et comme Élisabeth entrait dans la salle d'armes, elle vit surgir de l'escalier Damien, le domestique de la vieille comtesse. Sa face glabre couleur de buis, aussi figée à l'ordinaire que celle d'Aglaé, sa sœur, avait une expression insolite que remarqua aussitôt Élisabeth. « Qu'y a-t-il? Grand-mère est-elle plus malade » demanda-t-elle. « Madame la comtesse se meurt. Monsieur le comte est près d'elle. » Il s'éloigna, son grand corps maigre flottant dans la livrée râpée qu'il portait toujours l'après-midi. Élisabeth gravit lentement les degrés. Bien qu'elle n'eût aucune affection pour l'aïeule glacée, indifférente, cette approche de la mort faisait surgir en elle une sourde angoisse. Elle s'arrêta dans la pièce qui servait d'antichambre. La porte conduisant à l'appartement de la vieille comtesse était restée entr'ouverte. Élisabeth se demandait si elle devait se rendre près de la mourante. Adélaïde était partie depuis le matin pour faire quelques courses indispensables à Lons-le-Saunier. Il était donc impossible de prendre conseil près d'elle. Encore indécise, Élisabeth poussa le ventail, traversa la grande salle voûtée. La porte donnant dans la chambre de Madame de Ruden était fermée. L'autre, ouverte, laissait entrevoir un sombre couloir qui menait au vieux corps de logis abandonné à la ruine. Par là aussi, on gagnait une pièce communiquant avec la chambre qui servait de cabinet de toilette et où couchait Aglaé pour être proche de sa maîtresse. Ce fut dans ce couloir que s'engagea Élisabeth, toujours perplexe sur ce qu'elle devait faire en la circonstance. Que dirait son père de la voir apparaître? Pourtant, il lui semblait que son devoir était de se trouver près de son aïeule mourante. Le cabinet de toilette, très vaste et assez bien installé, donnait par une large porte garnie de portières épaisses sur la chambre de la comtesse. Comme Élisabeth approchait, elle entendit la voix de son père, impérative et suppliante à la fois. « Ma mère, vous devez me le dire !» Pensez donc, s'il me faut déclarer la valeur de ces bijoux, que me restera-t-il une fois les droits payés? Tandis que si vous me les remettez maintenant... » Élisabeth écarta doucement une des portières. Ainsi, elle voyait le lit et sa grand-mère, le visage violacé, les paupières closes, les lèvres entr'ouvertes. Rodolphe de Ruden, penché vers la mourante, tenait une de ses mains. Élisabeth ne pouvait apercevoir son visage, mais elle entendait de nouveau cette voix pressée, haletante. « Voyons, ma mère, vous pouvez me dire un mot, me faire un signe. Où sont ces bijoux? Vous n'avez jamais voulu me l'apprendre. J'en remettrai une partie à Calix, naturellement, si telle est votre volonté, bien qu'elle n'en ait nul besoin dans sa situation. Mais dites-moi où je les trouverai. Ma mère, m'entendez-vous ?» Rien ne répondit à cette adjuration. Les paupières restaient fermées, la bouche s'ouvrait davantage, comme si la mourante cherchait un peu plus d'air. Élisabeth crispa sa main sur la portière. Là-bas, à l'extrémité de la chambre, apparaissait la souple silhouette de Judith, vêtue de crêpes jaune pâle. Elle semblait glisser sur le vieux tapis d'Orient. La bouche serrée, les yeux chargés d'âpre inquiétude, durcissaient étrangement sa physionomie. Rodolphe se redressa. Il tournait ainsi le dos à sa fille. Judith, tout en avançant, demanda d'une voix qui sifflait un peu « Vous n'avez pas réussi ?»« Non, je crois du reste qu'elle ne peut plus parler. »« Elle ne peut plus ? Allons donc, si elle le voulait !» Jamais Élisabeth ne devait oublier la haineuse fureur contenue dans cette voix et dans le regard qui se dirigeait vers la mourante. « Il ne nous reste qu'à espérer de les trouver en fouillant tout dès maintenant. »« Dès maintenant ?» Il y avait une hésitation dans la voix de Rodolphe. « Non, Judith, mieux vaut attendre qu'elle... »« Pas du tout. On ne sait si ces domestiques ne prendraient pas les devants. Je sonne Aglaé pour qu'elle vous remette les clés. » À cet instant, Élisabeth, qui regardait sa grand-mère, vit ses paupières se lever l'espace d'une seconde, ses lèvres se fermaient pour esquisser un étrange rictus, une sorte d'affreux rire silencieux. Elle laissa aller la portière et s'enfuit sans bruit, le cœur étreint par une profonde horreur.